Chapitre 5. Le départ. « Allons, bourgeois, la soupe est dressée, » cria-t-on de la salle. « Nous y sommes, » répondit Adrien en ouvrant la porte. « Bonjour, » dit un homme qui achevait de mettre le couvert. « Bonjour, monsieur Rondeau, vous vous portez bien ?»« Toujours bien, bourgeois, et vous ? On m'a dit que vous aviez fait une bonne action ce matin. »« Oh, il n'en faut pas parler. »« Pas parler, pas parler. » Savez-vous que ce n'est pas tout à chacun qui peut arracher un homme du trou de l'enfer? N'en pas parler, ma conscience, on en parlera dans 100 ans. C'est moi qui vous l'ai dit. Mais il était donc fou d'aller se jeter dans l'entonnoir. Je n'ai pas compris qu'il voulut descendre la chute avec son canot. Sauter les rapides, on le fait tous les jours. Vraiment? Était-ce un Indien? Oui, il m'a dit qu'il appartient à la tribu des Nadoessi. Ah, je conçois, dit le père Rondeau. C'est un étranger à la contrée. Il ne connaissait pas la passe. Il vous doit un fameux cierge et il peut se flatter d'être le premier qui en réchappe. Mais je bavasse comme une femme à la rivière. Le déjeuner refroidit. À table. Où donc est madame Rondeau? Demanda Adrien. Elle est allée avec les enfants au bois chercher un caribou que j'ai tué la nuit dernière. Comment? Exclama notre Français surpris, car le caribou est un animal de la grosseur d'un jeune taureau. « Ah, fit Rondeau, ça vous étonne? Mais ici, nous avons adopté l'usage indien. Rarement, nous ramassons le gibier que du tout. Ce sont nos femmes qui se chargent de le rapporter à la maison. Asseyez-vous. » On se mit à table. Une soupe au pois, un morceau de porc salé, des tranches de poisson fumé, puis grillées à même sur les charbons, faisaient, avec une sorte de galette, lourde comme du plomb, cuite sous la cendre, les frais du repas, qui fut arrosé d'eau claire. Malgré sa simplicité, Adrien le trouva délicieux, et Jaco jura, qu'on me pardonne la locution, qu'il n'avait jamais fait pareille noce. « Si seulement, sans vous manquer de respect, marchef, dit-il en avalant sa dernière bouchée, on avait pour 2 sous de torboyau. » « Ça compléterait la fête, » acheva Adrien en riant. « Attendez, mon brave, on va vous en servir et du chenu, » fit le père Rondeau, qui se leva, qui dans un coin une cruche de grès au ventre rebondit, et l'apporta sur la table. À cette vue, les gros yeux ronds du godailleur roulèrent voluptueusement dans leurs orbites, et il fit claquer sa langue contre son palais. « C'est de l'eau de vie et de riz sauvage, goûtez-moi ça, » dit l'amphitryon en remplissant à demi les verres de ses convives, à la grande jubilation de l'ex-cavalier de première classe, et malgré les protestations d'Adrien, effrayé par cette libéralité. « À votre santé et à celle de la vieille France, » dit le Canadien. « À la vôtre, monsieur, » ajouta l'ingénieur. « Va pour la mienne, » reprit le père Rondeau. « Mais Bumper, alors ?»« Boum ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» interrogea Jaco, ne sachant s'il devait boire ou laisser son verre, qu'il couvait d'un regard attendri. « C'est un mot anglais qui veut dire « vide tout », » lui souffla Adrien. « Quel joli mot ! Je le retiendrai sans vous manquer de respect, marchef. Y en a-t-il beaucoup comme ça dans l'anglais ?» répliqua Godailleur après avoir avalé d'un trait le contenu de son verre. Puis il continua en aparté. « Ils ont de bonnes choses, ces Anglais. J'ai eu tort de leur en vouloir tant. Après tout, peut-être bien que ce Woubum bonne pompe, oui, c'est ça même, ils l'ont si volé. Pompe pardi, c'est français. Pompé, sans vous commander ni vous manquer de respect, c'est pompé le mot. N'est-ce pas, marchef ? Ajouta-t-il à mi-voix en se penchant vers l'ingénieur. « Laisse-moi, » dit celui-ci avec un geste de la main, car le père Rondeau, ôtant de dessus sa tête sa toque de laine bleue, avait pris la parole. « Je ne suis pas trop curieux, bourgeois, mais pourrait-on savoir ce que vous êtes venu faire par ici ?»« Oh, parfaitement, je vais vous le dire. Attendez, j'allume mon calumet. » Ce disant, il tira de sa poche une torquette ou rouleau de tabac, cordée comme un fouet et de la grosseur du pouce, en coupa par tranche une petite quantité sur la table, acheva de réduire en pièces les hachures en les frottant fortement entre les paumes de ses mains, puis bourra un fourneau de pierre fixé à un roseau et avec un champignon sec en guise d'amadou, mit le feu à son tabac. « Si vous en désirez, » fit-il ensuite. « Merci, » répondit Adrien, « j'ai des cigares. » Le Canadien offrit aussi sa pipe au dragon. « Pouah, j'ai mon brûle-gueule, » exclama Jaco. « Vous disiez donc, » questionna de nouveau le père Rondeau, un coude appuyé sur la table, la tête dans la main, les yeux à demi-clos, et dans l'attitude d'un homme qui digère délicieusement. « Vous disiez donc, bourgeois, c'est une affaire de mine qui m'a amené en Amérique. Ah, j'entends. Quelques compagnies? Oui et non. Je dois explorer le terrain, et si les fouilles répondent à mon attente. Mais de quel côté vous dirigez-vous? On m'a parlé de la pointe. Connu, il y a déjà des Bostonnais qui y travaillent aux mines. Note de l'auteur. Depuis l'insurrection de 1775, les Yankees sont souvent ainsi appelés par les Canadiens, parce que Boston fut un des principaux foyers de cette insurrection. Fin de la note. Des pas bonnes gens bourgeois, je ne vous engage pas à vous frotter à eux. Peu, siffla Jaco. Vous Américains, mais j'en mangerai 100 à chaque repas pour ma part. Bah, fit gaiement Adrien, ce ne sont pas des ogres. Savez-vous l'anglais? Un peu. Tant mieux. Mais comment pensez-vous vous rendre à la pointe? N'y a-t-il pas des canaux? Le Canadien secoua négativement la tête. La navigation n'est pas encore ouverte sur les bords du lac. Ce n'est pas avant 15 jours que la glace sera fondue. Alors seulement vous pourrez vous embarquer. Dubreuil ne s'attendait pas à ce contretemps. 15 jours, répéta-t-il d'un air désappointé. Oui, 15 jours au moins. Mais que faire d'ici là? Dame bourgeois, ce que vous voudrez. Il me semble, sans vous manquer de recette, marchef, insinua Godailleur, que nous ne sommes pas mal ici, pour peu que je trouve une petite indienne ni trop déchirée ni trop farouche. Et l'ex-cavalier, de première classe, tira galamment ses moustaches en faisant de nouveau claquer sa langue contre son palais. Laisse-nous tranquilles avec tes sottes réflexions, répliqua impatiemment Dubreuil. Puis, s'adressant au Canadien, mais par terre, n'y aura-t-il pas moyen? Par terre, impossible. On y pourrait aller en raquette. Il n'y a plus assez de neige sur le sol, et vous ne savez probablement pas marcher avec des raquettes. Vous avez des traîneaux, je crois. Ah, bien oui, la glace est pourrie, pourrie, qu'on cale à chaque pas. Alors il faudra attendre. Comme de raison. Nous vous gênerons en restant si longtemps. Me gêner, ma conscience. Je vous indemniserai. Indemnisez, bourgeois, dit le père Rondeau, en se levant indigné. Croyez-vous qu'il y ait plus de lard dans notre saloir, plus de poissons dans les rapides? Pardon, fit Dubreuil, s'apercevant qu'il avait blessé le bonhomme. Vos coutumes sont si différentes des nôtres que je suis excusable. Vous ne m'en voulez point, n'est-ce pas? Et il lui tendit la main. À preuve que je ne vous en veux pas, c'est que nous allons encore trinquer ensemble, dit Rondeau, après lui avoir fait craquer les doigts dans les siens. Oui, c'est ça, trinquons, sans vous manquer de respect, marchef, intervint le dragon. Cette fois, on but à la prospérité de l'hôtesse absente, puis Adrien renoua l'entretien. Comme cela, dit-il, vous pensez que dans une quinzaine, nous pourrons engager un batelier pour nous transporter à Kiwina? Mieux que ça, mieux que ça. En vérité, la mouette, un bâtiment de 50 tonneaux, doit appareiller maintenant pour la pointe. Le capitaine est de mes amis. Il vous arrangera, et pour pas cher, je m'en charge. C'est trop de bonté, dit Dubreuil. Mais, ajouta le Canadien, vous ferez bien de réfléchir avant de vous embarquer. Pourquoi? Il y a du danger, beaucoup de danger. Je parierais gros que si vous connaissiez le pays comme moi, vous n'iriez pas. Ne dites pas qu'il y a du danger au marchef, c'est une double raison pour l'y pousser, sans lui manquer de respect, s'écria Jaco. Quant à vous, mon homme, poursuivit Rondeau, je vous conseille de serrer votre uniforme dans votre valise, car si vous le portez longtemps, encore même ici, je ne réponds plus de votre peau que de lui. Cacher mon uniforme, l'uniforme du 7e dragon, jamais, répondit l'ex-cavalier, avec un mouvement d'une grandeur héroïque-comique. Il le faudra, cependant, et dès aujourd'hui, dit Dubreuil. Jaco jeta sur l'ingénieur un regard où se peignaient la consternation et la douleur. Oui, appuya Adrien, je l'ordonne. À ce mot, la pipe du dragon lui tomba des dents et se brisa sur le sol. Deux grosses larmes brillèrent au coin de ses paupières et roulèrent sur ses joues. « Puisque c'est la consigne, on obéira, » dit-il d'une voix altérée. Ce chagrin naïf, mais vrai, mais profond, touchait vivement Dubreuil. Cependant, il lui importait de ne pas faiblir, car il devinait les ennuis, sinon les périls, auxquels les exposerait l'habit du dragon. Il feignit donc de ne point remarquer l'impression que son ordre avait causée au pauvre Jaco. Ce dernier s'était levé, et lentement, tristement, la mort dans l'âme, il s'avançait vers la porte de la chambre à coucher pour remplacer sa tenue par un habillement de chasse, mais après avoir mis la main sur le loquet, il s'arrêta et se tourna d'un air piteux, suppliant vers son maître. Ne l'apercevant pas ou ne voulant pas l'apercevoir, Dubreuil continua de causer avec leur hôte. 5 minutes durant, Godailleur resta immobile comme une statue. Puis, fatigué d'attendre, il toussa encore et toussa comme s'il eût été subitement pris d'un accès de coqueluche. Sa toux était si bruyante, elle menaçait de se prolonger tellement que Dubreuil leva enfin la tête vers lui. Aussitôt la quinte cessa comme par enchantement. « Que veux-tu encore ?» demanda l'ingénieur d'un ton sec. « Sans vous manquer de respect, marchef, balbutia Godailleur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de garder mes bottes éperonnées ?»« Si, répliqua Adrien en riant, mais je te préviens que toi-même en seras bien vite fatigué. »« Merci de la complaisance, marchef, » s'écria le dragon en faisant un salut militaire. Il rentra dans l'autre pièce. « Vous avez là un engagé comme il n'y en a pas beaucoup, » dit le Canadien. « C'est un ancien brosseur. » « Brosseur, je n'y suis pas. » En France, dans l'armée, les sous-officiers appellent brosseur l'homme qui panse leur cheval et les serre. « Bien. Mais que veut dire ce marchef qu'il vous met à toutes les sauces ?»« Maréchal des logis-chef. C'est une abréviation usitée au régiment. Dites-moi, y a-t-il loin d'ici à Kiouina ?»« Quand le vent est bon, le bateau met 3 à 4 jours, parce qu'on ne marche guère la nuit. La côte est trop dangereuse. » Vous ferez bien de louer 2 ou 3 chasseurs si vous ne voulez pas mourir de faim. J'y avais songé. Je vous trouverai ça à raison d'un écu de 3 francs par jour, leur passage jusqu'à la pointe payé par vous, bien entendu. Maintenant, bourgeois, au revoir. Je m'en vais à la pêche. Faites ici comme chez vous. Mais sans être trop curieux, qu'est-ce que c'est que ce palais que vous avez là dans vos mains ? Du doigt, le père Rondeau indiquait le totem donné par Tchungush Kuseta à Dubreuil, et que celui-ci faisait pirouetter sous ses doigts. « Oh, rien, » répondit le jeune homme, « une amulette indienne. C'est, ajouta-t-il en riant, la récompense du sauvé au sauveur de ce matin. Faites voir. » Après avoir considéré l'objet, le Canadien dit à Adrien d'un ton sérieux, « Gardez précieusement cette médecine, comme nous appelons ces choses-là. Elle vous servira mieux que votre poudre, votre argent ou votre langue. » Sur ce, il sortit. 16 jours après, Adrien Dubreuil, accompagné de Godailleur en costume de chasseur, plus les bottes éperonnées, faisait ses adieux à la famille Rondeau. Il voulut offrir un souvenir, mais il ne réussit à faire accepter qu'un paquet de cigares. Le Canadien conduisit ses hôtes au quai d'embarquement à 4 milles du village. La Mouette était un joli navire ponté et gréé en barque, qui semblait avide de prendre sa course sur l'onde. Comme elle inaugurait la réouverture de la navigation, on l'avait pavoisée de sans-flammes et banderoles aux couleurs de l'Union américaine. Toute la population de Sault-Sainte-Marie s'était assemblée sur le rivage pour assister au départ du bâtiment. Et ce spectacle était plein d'intérêt pour un étranger par la diversité des costumes, des physionomies, des idiomes. Ici, c'était un groupe d'Indiens qui dansaient au son du tambourin, en poussant des cris assourdissants. Là des Yankees, faisant retentir la plage du chant de Hail Columbia. Plus loin, des Canadiens chantant par derrière chez mon père, la Marseillaise, où je m'en vais à la fontaine. Note de l'auteur, quelques lecteurs me seront gré de leur donner copie de cette charmante chansonnette que savent par cœur tous les bateliers et trappeurs canadiens. Je m'en vais à la fontaine, au guet, vive le roi. Je m'en vais à la fontaine, au guet, vive le roi. Pour remplir mon cruchon, vive le roi et la reine. Pour remplir mon cruchon, vive le roi, vive le roi. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond. Que donnerez-vous, la belle? Qui vous tirerait du fond? Tirez, tirez, dit-elle, après ça nous verrons. Quand la belle fut tirée, s'en va à la maison, s'assoit sur la fenêtre, compose une chanson. Ce n'est pas ça, la belle, que nous vous demandons. Votre petit cœur engage, savoir si nous l'aurons. Mon petit cœur engage n'est pas pour un luron, ma mère l'a promis, à un joli garçon. Fin de la note. Plus loin encore, les enfants de la verte Erine entonnaient dévotement un hymne religieux. L'allégresse était partout, dans les cœurs comme sur les visages, car l'hiver avait été dur. On avait cruellement souffert du froid et du manque de provisions au saules de Sainte-Marie. Plus d'un imprévoyant était mort de faim, et le départ de la Mouette annonçait le départ des mauvais jours, le retour de l'abondance et de la belle saison. À midi, un coup de canon résonna. C'était le signal pour lever l'ancre. Ma conscience, je suis tout comme un enfant, dit le père Rondeau à Dubreuil. Je vous connais à peine et déjà je vous aime autant que si vous étiez mon fils. Laissez-moi vous embrasser, ça me fera du bien. Oh, de tout cœur, répondit Adrien, en se précipitant dans les bras du bonhomme. Et moi, soupira la bouche grimaçante de l'ex-cavalier de première classe. Toi, répartit Rondeau, ça serait déjà fait si je n'avais peur de tes crocs et de ta figure en lame de rasoir. Mais tiens, ça ira tout de même, viens ici. Sans vous moquer de respect, dit Jaco en accolant vigoureusement le Canadien qui lui souffla à l'oreille. Mon garçon, prends bien soin de ton maître. C'est le meilleur des hommes. Tu m'en réponds, entends-tu? On vous obéira, sans vous manquer de respect, papa Rondeau. Allons, messieurs, on n'attend plus que vous, cria le capitaine du haut du pont. Le père Rondeau s'approcha encore de Dubreuil. Avez-vous la médecine? Lui demanda-t-il. Soyez tranquille. Surtout, ne la perdez pas. J'y veillerai. On vous appelle à la revue. Note de l'auteur, locution canadienne, elle signifie au revoir. Fin de la note. Au revoir et merci pour toutes vos bontés. Les deux hommes échangèrent une poignée de main, et Dubreuil, suivi du dragon, sauta sur le navire. Aussitôt, les amarres furent larguées, et la mouette, poussée par une bonne brise nord-est, s'éloigna rapidement du rivage aux tumultueuses acclamations des spectateurs.